Today, 12th of June, year 2017. On Monday, our retreat become 10 days already. Now, all of our yogi, from the beginning, they will should be satisfied and progress. Nous sommes aujourd'hui lundi 12 juin 2017. Nous sommes arrivés au 10e jour de la retraite. Les yogis sont satisfaits car ils ont réussi à développer leur concentration, leur attention et leur compréhension. Nous avons vu au cours des enseignements de ces derniers jours en quoi consistaient les jhanas et en quoi consistaient les nivaranas. Les jhanas, ce sont donc les stades de concentration. Les nivaranas, ce sont les empêchements. Nous allons poursuivre notre enseignement à ce propos. Et nous allons voir comment, en éliminant les nivaranas, nous pourrons atteindre la connaissance. Il y a 5 facteurs jhaniques et d'autre part, il y a 5 empêchements. Les 5 facteurs jhaniques sont vitaka, l'application initiale de l'esprit, vichara, le maintien de l'esprit, piti, la joie, sukha, le bonheur et ekagata, la fixité de l'esprit. Les yogis pratiquent donc pendant toute la journée dans le but de développer ces 5 facteurs jhaniques et finalement, réussir à éliminer les nivaranas. Les nivaranas, ce sont donc les empêchements. Ils sont également au nombre de 5. Ils bloquent la pratique, ils empêchent le progrès. Ce sont donc des ennemis. Comment va-t-on réussir à remplacer les 5 nivaranas, les 5 empêchements, par les 5 facteurs jhaniques? Comment ces 5 facteurs jhaniques vont-ils remporter la victoire? En pali, patipaka veut dire opposé. Les facteurs jhaniques sont donc les opposés des empêchements. Il y a 5 facteurs jhaniques et ils vont chacun être l'antidote d'un des 5 empêchements. Donc, le premier facteur jhanique, c'est vitaka. C'est l'application initiale de l'esprit à l'objet. Hier, je vous ai donné un exemple. On compare vitaka à l'aigle qui va prendre son, qui va, comment vais-je dire, fournir un gros effort pour s'élever dans le ciel. Cet effort pour s'élever dans le ciel est comparé à l'esprit qui est dirigé vers l'objet. C'est la signification de vitaka. L'esprit est appliqué à l'objet. Pour y arriver, il faut fournir un effort. Et cet effort, c'est l'effort juste. Si on fournit cet effort d'appliquer de façon constante et continue notre esprit aux différents objets qui se présentent, nous allons pouvoir éliminer tinamida. En ce sens que l'effort étant fourni constamment, l'esprit étant à chaque instant appliqué à l'objet, il n'y a pas de place pour tinamida, la somnolence et la torpeur. Mais si tinamida est déjà dans notre esprit, ce sera difficile de fournir cet effort. Lorsque on dirige, on applique l'esprit à l'objet, on pense constamment à cet objet. L'esprit est constamment dirigé vers l'objet. Il n'y a donc aucune place pour tinamida. C'est de cette façon que le facteur jhanique de vitaka est l'antidote de tinamida. Vous avez entendu lors des enseignements précédents que le Bouddha avait donné 7 méthodes pour se débarrasser de la somnolence et de la torpeur. Il y avait une des méthodes consistait à penser, tout simplement, à réciter des textes à propos des Écritures, éventuellement à se tordre les oreilles, etc. Toutes ces méthodes deviennent des suttas, des histoires. Mais ici, lorsqu'on parle de vitaka qui est l'antidote de tinamida, il s'agit de la théorie de l'abhidhamma. Le facteur dhyanique suivant, c'est vichara, le maintien de l'esprit sur l'objet, l'application soutenue de l'esprit à l'objet. Il y a donc d'abord vitaka, qui est le fait d'appliquer l'esprit, c'est l'application initiale de l'esprit à l'objet, et bien ensuite vichara, le maintien de l'esprit sur l'objet. De nouveau, on illustre cela par l'exemple de l'aigle. L'aigle a commencé par devoir fournir un gros effort pour s'élever dans le ciel. Cela s'est comparé à vitaka. Une fois qu'il a atteint la hauteur voulue, il arrête de faire l'effort et il se met à planer en déployant largement ses ailes. Et il observe attentivement le sol pour voir où se trouve sa nourriture. Cette deuxième étape est comparée à vichara, l'application soutenue de l'esprit, le maintien de l'esprit sur l'objet. L'esprit va ainsi se maintenir pendant longtemps sur l'objet, c'est vichara. Il n'y aura plus aucun doute sceptique dans l'esprit, de la même façon que l'aigle se sent très à l'aise dans les hauteurs et plane en quête de sa nourriture. Il la voit très clairement. L'esprit qui se maintient sur l'objet va également le voir très clairement. L'esprit sera très stable et donc c'est de cette façon qu'il va éliminer le doute sceptique. Vichara est donc l'opposé de visikicha. C'est pour cette raison que le professeur recommande toujours aux yogis de ne pas penser. S'il pense pendant la méditation, il va se mettre à douter. Par contre, s'il observe sans interruption ce qui se manifeste à chaque instant, les doutes n'ont aucune chance d'apparaître. Il faut donc que le yogi s'efforce de rester toujours dans l'instant présent. Il observe tout ce qui se manifeste en lui de façon prédominante. S'il n'y a rien, il observe simplement l'objet primaire. L'objet primaire est toujours là puisque nous respirons tout le temps et donc ces mouvements ont toujours lieu. Le méditant doit donc essayer d'être toujours dans l'instant présent, de maintenir son attention sans interruption. Son esprit sera très stable, très ferme et établi sur l'objet. Mais s'il ne reste pas dans l'instant présent, qu'il s'autorise à penser de temps à autre, les doutes vont forcément apparaître. Le méditant pense souvent au futur, il pense au passé. Mais ni le futur ni le passé ne sont réels. Et il n'est pas possible d'agir ni dans le futur ni dans le passé. Le présent, par contre, est réel et c'est possible d'agir dans le présent. Donc, si vichara, le maintien de l'esprit sur l'objet, est forte, le doute, visikicha, ne peut pas se manifester. Visikicha est un très grand ennemi. Le troisième facteur dhyanique, c'est piti, la joie. C'est l'antidote de Biapada, la colère. L'esprit réussit à se maintenir sur l'objet. Et en conséquence, le yogi va se sentir satisfait de sa pratique. Son esprit est devenu fort. De nouveau, on compare ce facteur à la joie que ressent la personne qui pratique le tir, par exemple. Il va tirer sa fléchette qui va atteindre la cible. Il est très heureux et il est félicité parce que il a réussi à atteindre la cible. La personne qui donc réussit à maintenir son esprit sur l'objet, qui atteint la cible à chaque instant, verra que cet esprit est devenu très ferme, très stable. En conséquence, il est heureux, il est satisfait de sa pratique. Cette satisfaction, cette joie, est l'antidote de la colère, de l'aversion. De Biapada, l'empêchement de l'aversion. Biapada est un synonyme de dosa. Lorsque piti, la joie, se manifeste, le méditant va pouvoir poursuivre son effort et encore progresser. Sa confiance également sera renforcée. Les yogis, certains yogis ici présents, pratiquent déjà depuis une dizaine de jours. Il est fort probable qu'ils ont déjà expérimenté piti dans une certaine mesure. Leur compréhension s'est développée, leur esprit est beaucoup plus stable qu'au début, et donc ils se sentent satisfaits. Les gens pensent parfois que la méditation, c'est une souffrance. C'est vrai, peut-être au début, la méditation est difficile parce que l'esprit n'est pas encore adapté à l'objet. Mais c'est la même chose, quel que soit le travail qu'on entreprend. Au début, c'est toujours difficile. Les premiers jours, en méditation, l'esprit n'est pas stable. Et en plus de cela, il y a des douleurs physiques. Mais plus le méditant va persévérer, plus son rythme va s'accélérer, sa méditation va devenir performante, son esprit va se stabiliser et il va expérimenter la joie. Une fois qu'il aura expérimenté piti, la joie, il sera bien sûr encouragé à poursuivre son effort. Par contre, s'il ne réussit pas à stabiliser son esprit, il ne se sentira pas satisfait de sa pratique, le doute va apparaître, ce méditant n'aura pas expérimenter le goût de la méditation. Hier, un méditant a quitté la retraite, peut-être sans doute parce qu'il n'a pas réussi à développer son esprit et à expérimenter piti, la joie. Mais si vous pratiquez correctement, il est certain que vous expérimenterez piti tôt ou tard. Vous pouvez être sûr de cela, c'est garanti. Parmi les qualités du Dhamma, de l'enseignement du Bouddha, il y a le fait que les bénéfices de la pratique peuvent être expérimentés à n'importe quel moment. Donc, pas seulement pendant la journée, au moment où on pratique en posture assise, pas seulement pendant la marche, mais même pendant la nuit, il arrive parfois que les méditants se réveillent pendant la nuit, ils se mettent alors à pratiquer en posture allongée, et c'est possible qu'à ce moment-là, ils expérimentent les bénéfices de la pratique, parce que leur esprit est adapté à l'objet. Mais au début, ceci n'est pas possible. C'est donc pour toutes ces raisons qu'on dit que piti, la joie, est l'antidote de la colère vyapada. Le facteur dhyanique suivant, c'est sukha, le bonheur. Si donc vous expérimentez piti, la joie, vous allez vous calmer, vous allez devenir très tranquille et sukha, le bonheur, va faire son apparition. L'esprit sera alors fermement établi sur l'objet, il n'y aura plus aucune agitation. Par contre, si vous êtes agité, si vous pensez beaucoup, il n'y aura ni joie ni bonheur. Sukha est donc l'antidote de Uddacha Kukucha, l'agitation et le remords. Si votre esprit se maintient sur l'objet de façon très ferme, que vous êtes calme, tranquille, vous faites le bien que vous devez faire. Vous n'aurez donc pas de remords. C'est de cette façon que Sukha est l'antidote du remords, de l'agitation et du remords. Si par contre vous êtes agité pendant la méditation, vous allez vous mettre à penser à toutes sortes de choses et forcément vous repenserez au bien que vous avez omis de faire ou au mal que vous avez fait et que vous n'auriez pas dû faire. Et tout ceci va rendre impossible l'apparition du bonheur. C'est pourquoi vous devez toujours essayer de rester dans l'instant présent, de ne pas penser, repenser au passé. Le facteur suivant, c'est Ekagata, qui est un synonyme de samadhi, c'est la fixité de l'esprit sur un seul objet. C'est l'antidote du désir sensuel. Si vous expérimentez Ekagata, la fixité de l'esprit, votre esprit sera devenu très ferme. Vous avez donc réussi à développer en vous Vitakka, l'application initiale de l'esprit, vichara, le maintien de l'esprit sur l'objet, piti, la joie, sukha, le bonheur. Votre esprit est devenu très ferme, très tranquille, et vous expérimentez alors ekagata ou samadhi, la concentration. Vous voyez les objets très clairement et vous vous plaisez à les regarder ainsi. C'est de cette façon que ce facteur dhyanique, la fixité de l'esprit, va éliminer kamachanda, le désir sensuel. Le désir sensuel, c'est le désir d'expérimenter des contacts agréables par l'une ou l'autre des cinq portes sensorielles. Et vous pourrez le constater par vous-même. Si vous atteignez ces niveaux, votre méditation va devenir très agréable, vous vous sentirez profondément heureux, et ceci n'a rien à voir avec le désir qui s'enracine dans les plaisirs sensuels, ou le bonheur qui s'enracine dans les désirs, dans les plaisirs sensuels. Lorsque vous expérimentez ces niveaux de ces facteurs janiques, vous n'avez plus envie de manger, par exemple, parce que vous préférez expérimenter, continuer à expérimenter le bonheur de la méditation. Les cinq plaisirs sensuels ne sont donc pas à comparer avec le bonheur de la méditation, le bonheur que procurent les facteurs janiques. Si vous expérimentez ce bonheur de la méditation, vous aurez l'impression d'avoir surmonté toute forme de souffrance. Votre esprit sera devenu très stable. Vous vous sentirez parfaitement à l'aise et heureux. Les cinq facteurs janiques sont développés en vous et il est impossible dès lors que Kamachanda, le désir sensuel, apparaisse dans votre esprit. Vous serez plutôt dérangé si ces choses se présentent. Imaginons par exemple qu'il y ait un son agréable. Vous serez dérangé par ce son agréable. Vous n'aurez pas envie de vous y complaire. Vous préférez le bonheur de la méditation. Mais si vous continuez à penser pendant la méditation, si votre esprit vagabonde beaucoup, il n'est pas possible de faire apparaître ces facteurs janiques. Vous n'expérimenterez ni pitié, ni les autres facteurs. Votre esprit ne sera pas stable. Par contre, si vous êtes bien concentré, que vous expérimentez Ekagata, vous allez connaître le bonheur janique. Ce bonheur janique n'a rien à voir avec le bonheur qui s'enracine dans les plaisirs sensuels. C'est pour toutes ces raisons qu'il est dit que Ekagata, la fixité de l'esprit, est l'antidote du désir sensuel. Kamachanda. C'était donc là les cinq facteurs janiques. Nous devrons les développer les uns après les autres, successivement. Si nous réussissons à les développer en nous, nous expérimenterons le premier jhana, ensuite le deuxième, etc. L'esprit est donc devenu très stable. Nous avons les cinq facteurs et nous expérimentons le premier jhana. Notre esprit est appliqué à l'objet et s'y maintient. Nous allons continuer à pratiquer. Notre esprit va devenir de plus en plus stable et bientôt nous ne devrons plus fournir autant d'efforts pour le maintenir sur l'objet. L'application initiale de l'esprit à l'objet n'est plus nécessaire car l'esprit se maintient lui-même sur l'objet. Nous expérimentons alors le deuxième jhana. À chaque instant, l'esprit atteint l'objet. Et ceci va faire apparaître la joie. Notre esprit est de plus en plus paisible, de plus en plus tranquille. Nous expérimentons, piti la joie, sous l'une ou l'autre de ces formes. Il y a cinq formes de piti, mais nous n'avons pas le temps d'en parler aujourd'hui. Le méditant va alors se rendre compte que cette joie est en réalité quelque chose qui le distrait, qui le perturbe, c'est un peu grossier. Il va l'abandonner et expérimentera alors le troisième jhana. Il poursuit son effort et se rend bientôt compte que même le bonheur qui suit piti n'est pas tout à fait ce qu'il lui faut. C'est également une émotion un petit peu grossière et donc il va l'abandonner également. Il ne lui reste plus alors que le Ekagata. Il a abandonné les facteurs précédents. Il expérimente alors le quatrième jhana. Il expérimente un bonheur que l'on peut qualifier de sublime. Il a abandonné Sukha également, qu'il considère comme une émotion qui le perturbe. il ne lui reste plus alors que l'équanimité et la tranquillité. À ce stade, il n'expérimente plus ni la souffrance, ni le bonheur, il n'expérimente qu'une sensation neutre, et il a en plus la concentration. Il est alors dans le cinquième jhana. Arrivé à ce stade, le méditant est capable de méditer 2 ou 3 heures consécutivement, sans aucun problème. Il n'est plus du tout dérangé par les sensations désagréables, il expérimente le calme et la paix. C'est le bonheur jhanique, et c'est un bonheur de très grande qualité. Si vous persévérez dans la méditation, vous pourrez expérimenter ce bonheur jhanique dans des proportions variables. Ceci dépend de beaucoup de facteurs. Mais il faut, pour y arriver, que vous compreniez bien la méthode, que vous la mettiez bien en application et que vous vous entraîniez. Petit à petit, vous allez progresser et vous allez expérimenter ces 5 jhanas. Mais, ayant expérimenté ces 5 jhanas, comprenez bien qu'il ne s'agit pas encore de la compréhension ou de la sagesse. Pour qu'il y ait compréhension et sagesse, il faut obligatoirement qu'il y ait attention et panya. Must develop ourselves to improve in the practicing. Today it is which we stop here. Also wish you all, may you all be able to successful in joyful meditation and understanding clearly about our life. Sadhu, sadhu, sadhu. Si vous introduisez ces deux facteurs, vous allez donc poursuivre votre pratique, vous allez passer à Vipassana proprement dit. La méditation Vipassana va vous permettre de développer la compréhension, et tout cela, finalement, va peut-être vous permettre d'expérimenter Magga. Vous aurez alors les bénéfices de la pratique de Vipassana. Nous en resterons là pour aujourd'hui.